Nous allons vous présenter l'œuvre d'un auteur injustement oublié, Jean Grave. Et nous allons nous pencher plus particulièrement sur un recueil d'articles qu'il a publié en 1893 et qui s'intitule « La société mourante et l'anarchie ». Donc comme habituellement, nous allons procéder de la sorte en faisant la vie et l'œuvre, donc d'abord la biographie. Alors, Jean Grave a été est mort complètement oublié en 1939. Et c'est relativement injuste parce qu'il fut parmi l'un des militants anarchistes qui travailla avec le plus d'acharnement à la diffusion des idées libertaires au tournant du 19e et du 20e siècle. Il ne possédait pas de grands talents d'orateur, il était très timide, et c'est par l'écrit qu'il a décidé de propager la pensée anarchiste, et c'est en tant que journaliste qu'il a passé la plus grande partie de sa vie à la défense et à la promotion de la presse libertaire. Ayant tout d'abord sévèrement condamné le réformisme, coopératif et syndical, il s'est ensuite rendu compte que le grand soir n'était pas pour demain, et il est devenu éducationniste. C'est-à-dire que pour lui, la besogne révolutionnaire consistait essentiellement à fourrer des idées dans la tête des individus. Voilà pour un aperçu général. Maintenant, si on reprend les choses au départ, il faut savoir qu'il est né un 16 octobre 1654 à Breuil. 1854, oui, je suis un peu fatigué. Sinon, il est un peu vieux. Donc c'était une commune de l'arrondissement d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Son père a été tour à tour, mais sans grand succès, meunier, puis cultivateur, et ensuite, enfin, comme beaucoup d'Auvergnats, il a tenté sa chance à Paris. La mère a suivi le père et a confié les enfants à leurs grands-parents. Jean Grave gardait peu de souvenirs de sa petite enfance en Auvergne, sinon que ses grands-parents austères et sévères étaient bonapartistes. D'abord tenté par le socialisme, il va devenir en 1880 anarchiste. Alors, la répression qui suivit les années de la Commune s'affaiblissant, parce qu'il faut savoir qu'entre 1871 et 1880, le mouvement ouvrier français était à genoux. En 1880, donc, un réveil de l'opinion s'est produit, des réunions sont organisées, et en fait, dès 1877, Jean Grave s'y rend, accompagné de ses compagnons de travail. Alors, en 1877, il va d'abord s'abonner au Prolétaire de Paul Brousse et à l'Égalité, un journal tenu par Jules Guesde. Et même le 30 janvier 1879, il a rejoint le Parti ouvrier du même Guesde, et il va faire partie du conseil d'administration de son journal. Donc là, il est vraiment dans la sphère d'inspiration marxiste, complètement. Du socialisme marxiste. Effectivement, donc il est encore loin de l'anarchisme. Oui, au début, c'était un autoritaire. Son père, en réalité, était blanquiste, notoirement. Oui. Donc ça faisait partie de ces gens qui avaient une vision très musclée et très, très ferme de la direction d'une organisation révolutionnaire. Hein. D'ailleurs, il le conservera et... Oui, d'ailleurs, il va garder ce style. Garder ce style. Bien qu'ayant versé dans l'anarchisme, il va garder un style... Poigne de fer. Poigne de fer, c'est vrai. Alors, parallèlement donc à son activité aux côtés de Guesde, Jean Grave rejoint le groupe d'études sociales des 5e et 13e arrondissements de Paris. Non, pas forcément de Paris, d'ailleurs. Je crois que c'est peut-être Lyon, parce qu'au début, il travaillait à Lyon. Il y côtoie des guédistes, mais aussi des anarchistes de renom. Cafiero, Malatesta, Tcherkov, avant qu'ils soient expulsés. Et il devient secrétaire du groupe et se charge de la correspondance. Donc on verra qu'il aura toujours des fonctions comme ça, qui seront des fonctions un peu subalternes, et en même temps essentielles à la bonne marche des mouvements. C'est quelqu'un qui se fera toujours en quelque sorte la cheville ouvrière de la propagande anarchiste, et qui assumera les tâches un peu ingrates. Alors cependant, il écrit de plus en plus entre 1881 et 85, et ses écrits paraissent dans la presse anarchiste lyonnaise, qui est un foyer actif de propagande à ce moment-là. Par exemple, Le Droit Social est un journal qui naît à Lyon en février 1882, qui va insérer les premiers articles de Grave. Les premières brochures de Grave paraissent l'année suivante, donc en 1883, sous le pseudonyme de Jehan le Vagre. Et enhardi par le succès de ses écrits, il envoie des articles révoltés, dont s'occupe Kropotkin, à Genève. Ce dernier les publie, et les deux hommes vont se lier très très vite d'une solide amitié qui se poursuivra jusqu'à leur fin, je crois. Oui. Alors, en 1883, c'est Élisée Reclus qui rend visite à Grave. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande d'aller à Genève pour s'occuper du révolté. Donc, c'est à partir de là sans doute que la déconversion définitive de Grave au anarchisme se fait. Oui, parce qu'il avait rompu avec les guédistes en 1880. En fait, il y avait eu un congrès au cours duquel Guède avait définitivement opté pour la voie parlementaire. Et c'est à l'issue de ce congrès que, de façon absolument définitive et péremptoire, et claire et nette, Grave a quitté, bien sûr, cette orbite initiale qui était celle de sa formation. Il avait à peine encore 23-25 ans, quoi. Mais oui, là, on le voit évoluer dans les milieux kropotkiniens, quoi. Reclus, Kropotkin, là, ça le situe clairement, en plus, dans l'une des familles de la pensée libertaire à l'époque. Ouais, la Fédération jurassienne voilà. De célèbre mémoire. Comme il n'avait aucune expérience de la tenue d'un journal, il était encore jeune, il accepte de s'engager, à demande de reclus, mais uniquement pour 6 mois. Et les 6 mois se transformeront en 31 ans. C'est ça. Donc, on voit la profondeur de l'engagement aussi, quand même. Donc on comprend dès lors que le nom de Grave soit étroitement lié dans l'histoire avec ceux de 3 journaux, Le Révolté, qui deviendra ensuite La Révolte, et enfin, les temps nouveaux. Alors, le jeune militant va se lancer en 1883 avec passion dans sa nouvelle fonction, et grâce à sa ténacité, son dévouement, la diffusion du journal va augmenter rapidement. Oui, Philippe ? Oui, je voulais dire qu'à propos de la timidité de Jean Grave, elle est assez célèbre, et aussi cette histoire de « je veux bien travailler avec vous pendant 6 mois, parce qu'il faut que je fasse mes preuves », etc., elle est liée aussi à l'autodidactisme de Jean Grave. Jean Grave, c'est un homme qui arrête l'école à 10 ans, et qui est apprenti très très vite, apprenti mécanicien. Et bon, ça marche pas très bien, ça lui plaît pas. Son père finalement le met dans la cordonnerie. Il devient cordonnier, puis il rencontre dans la cordonnerie en effet une corporation déjà un peu organisée, et dans laquelle il y a déjà pas mal de gens qui sont très très très orientés vers le militantisme anarchiste, le socialisme et l'anarchisme. Donc c'est comme ça qu'il a contact avec l'anarchisme, et donc c'est un autodidacte. Et quand il se trouve face à des savants comme Reclus ou Kropotkin, il est évident qu'il a un problème. Et c'était peut-être pas exactement intimide, mais c'était intimide au sens peut-être social du terme. Je veux dire, quelqu'un qui redoutait d'être, de ne pas être au niveau des gens qu'il côtoyait. Tu mentionnais qu'il était cordonnier, et il faudrait rappeler que justement, il y avait deux corporations qui ont été qui, en fer de lance du mouvement révolutionnaire envoyé, c'était les cordonniers et les imprimeurs. Oui. Qui avait toujours, qui pour différentes raisons, avaient les cordonniers, je crois que c'est parce qu'ils avaient le temps de se cultiver dans leur échoppe. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait, est-ce vrai? Mais ils n'avaient pas un patron exactement sur le dos, bon, c'était pas tout à fait l'usine au sens plein. C'était des artisans un petit peu libres, qui peut-être avaient un peu de temps. Et ils s'étaient bien vite organisés, je pense à Pouget par exemple. Pouget a été lui aussi très très tout de suite dans la confection et la cordonnerie. Et là aussi, il avait participé à la construction d'une section syndicale très puissante. Alors, donc je disais que la diffusion du Révolté va aller augmenter grâce aux qualités des rédacteurs sollicités par Grave et par sa ténacité au travail. Et le journal, par son sérieux, par sa gravité, par son didactisme, s'oppose de façon un peu stylistique à la verve, aux images argotiques du Père Pénard, qui est alors tenu par Émile Pouget. C'est deux styles de journaux bien distincts, mais sans doute complémentaires, je pense. Et Jean Grave et son équipe étaient ambitieux. Ils voulaient faire un journal qui soit vierge de toute personnalité, qui soit un journal qui soit pur de tout cancan, comme il disait, et qui soit consacré à la seule idée. La seule idée anarchiste, bien évidemment. Et le Révolté va devenir le passage obligé de la propagande de l'époque. Ce qui suscitera bien des envies et bien des jalousies, à tel point qu'on surnommera Grave le pape de la rue Mouffetard, parce que les journaux, le journal était si rue Mouffetard, et on assimilait sa longue blouse grise de typographe à une soutane. Il faut dire que Jean Grave n'hésitait pas à balancer des anathèmes sur les anarchistes qui ne suivaient pas la droite ligne, et qu'en particulier il était très très dur avec les individualistes. Il y a même eu quelques dérapages, puisqu'il a été jusqu'à dénoncer Libertad comme un indique. Ah oui. Alors qu'il semblerait, au vu des archives de police, que Libertad était sincère. Les choses étaient compliquées à l'époque. Alors, donc c'était le pape de la rue Mouffetard, et l'hebdomadaire, lui, le Révolté, sera même qualifié du temps, qui était une espèce de monde à l'époque, ou du journal officiel de l'anarchisme. Oui, Philippe. Et il habitait en face de l'église Saint-Médard, en bas de la rue Mouffetard. Et à chaque fois que le type, le vedeau, sonnait les cloches, il mettait la tête à la fenêtre et hurlait contre le papisme, et il protestait contre la publicité qui était faite à la superstition, et donc il hurlait de sa fenêtre, faites taire ces cloches, etc. Bon, c'était quelque chose quand même, sacrée ambiance. Alors par ailleurs, de façon un peu plus sérieuse, Jean Grave a vulgarisé beaucoup de thèses de Kropotkin, et justement pour les besoins de la propagande. Donc là, on arrive au livre qui nous intéresse, hein, qui a été publié en 1892, qui fut préfacé par Octave Mirbeau, d'ailleurs, un anarchiste. Alors j'ai lu un peu sa biographie. Est-ce que tu en sais un peu plus? Un écrivain. C'est un écrivain. Oui, c'est un homme de lettres. C'est un homme de lettres. N'était-il pas un peu mondain aussi? Oui, absolument. Oui. Mais comme d'autres, certains anarchistes anglais, comme le poète Yeats ou bien Oscar Wilde. C'est l'anarchiste de salon. C'était un peu l'anarchiste de salon, mais très utile en vérité, puisque signant toutes les pétitions pour faire libérer les gens, allant voir des gens dans les ministères pour demander la grâce, ces gens-là avaient leur utilité malgré tout. Et pour certains, ils ont pris quelques risques. Ce n'est pas tout à fait le cas de Mirbeau, mais enfin, en tout cas, il a toujours été là. C'est comme Nadar, le photographe de tous les anarchistes. Hein, c'est un homme qui a été lui aussi extrêmement utile. Il avait pas mal d'entrées un peu partout. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, écrire des livres, ça pouvait être une activité dangereuse et qu'on pouvait être un véritable ennemi public par la publication de livres, contrairement à certains narcissiques d'aujourd'hui qui s'imaginent être des ennemis publics pour peu qu'ils soient conspués par quelques journalistes. Et donc, à l'époque, écrire un livre, ça pouvait nous mener en prison. Et justement, le livre de Grave lui vaudra d'être condamné en 1894, à Paris. Alors, ici, il faut savoir qu'il a été condamné suite au vote des lois scélérates. Alors, on vous explique rapidement de quoi il s'agit. Ces lois scélérates ont été votées le 11 décembre 1893 dans des circonstances particulières. C'est que le président de l'Assemblée nationale de l'époque voulait, ou président du Conseil, je ne sais plus bien, voulait faire passer ce type de loi, et c'était difficile dans l'Assemblée telle qu'elle se présentait à l'époque. Et un ouvrier anarchiste complètement désespéré, Auguste Vaillant, a reçu des mains d'un provocateur de la préfecture de police les matériaux d'une bombe complètement inoffensive. Le problème, c'est que Vaillant a lancé sa marmite infernale dans les bancs de l'Assemblée. Alors ça n'a tué personne, il y a quelques députés qui ont été blessés, mais deux jours après, toutes les lois scélérates ont été votées. Et la première, alors pourquoi était-elle scélérate? C'est que la première limitait la liberté de la presse. La seconde permettait de poursuivre la simple entente entre malfaiteurs, même s'ils n'avaient pas commis d'acte. On retrouve notre loi Perben II, qui est une loi scélérate bien actuelle. Et la troisième loi scélérate assimilait les anarchistes à des associations de malfaiteurs. Ce qui donnait lieu, finalement, à des délits d'opinion et à la possibilité de poursuivre les anarchistes en groupe. Et à des inculpations collectives, comparables à cette fameuse loi anti-casseurs qui a été votée, elle, au XXe siècle, peu de temps après mai 68 et abrogé 4 ans plus tard, au terme de laquelle des dizaines de militants de l'époque ont été condamnés au nom d'un principe inconnu jusqu'alors dans le droit français, qui est celui de la responsabilité collective. Et là, il y avait en plus aussi le délit d'intention, chose magnifique en droit. On peut d'ailleurs se demander aujourd'hui si avec l'affaire Coupa, on n'est pas en phase et en présence d'une reconstitution de ce type de loi que tu dis scélérate, puisque visiblement des gens sont mis en prison pour avoir écrit des livres, les dossiers sont vides et ils sont maintenus en prison. C'est la loi Perben II que je citais, qui consacre le délit d'intention en réalité. Alors le livre avait été écrit en 1892, la loi est passée en 1893, et ça a été l'occasion d'attaquer Grave. Alors, il faut savoir que plusieurs personnes sont venues témoigner en faveur de Grave. Mirbeau, Élisée Reclus, Paul Adam, Bernard Lazare, c'est un journaliste de l'époque qui avait lutté de façon acharnée en faveur de Dreyfus. Même Clémenceau a écrit en faveur du livre de Grave. Et cependant, malgré tous ces défenseurs, Grave sera condamné à 2 ans de prison et à 1 000 francs d'amende, ce qui était une somme relativement importante à l'époque. Et il sera condamné pour quoi? Pour, ça vaut le coup d'œil, provocation au pillage, au meurtre, au vol, à l'incendie, etc. Bien sûr, il sera demandé que le livre soit détruit. La même année, Grave est impliqué dans le fameux procès des 30, qui est justement un exemple de cette inculpation collective d'anarchistes. Mais cette fois-ci, les charges étaient trop légères et il a quand même été acquitté. Alors, en définitive, il a quand même réussi, donc on disait, à réussi l'exploit de faire paraître pendant plus de 30 ans un hebdomadaire anarchiste, qui connaîtra plusieurs avatars. Le 4 mai 1895, c'est la revue Les Temps Nouveaux qui naît, et elle se sa publication se poursuivra jusqu'au 8 août 14. Et elle sera un formidable outil de propagande anarchiste. Elle aura aussi un fort impact dans les milieux littéraires, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et artistiques de l'époque, tel point que de nombreux artistes de renom y participent. Oui, oui. Pissarro, voilà, Signac, Delannoy, Maximilien Luce, Georges Guillaume, Nadar, dont on parlait, Nadar, qui participeront à l'illustration de la revue, à son financement, qui offriront des tableaux, des dessins, des aquarelles pour justement la financer. C'est quand même 920 numéros, je crois. Hein. 920 numéros hebdomadaires, c'est une prise en charge considérable. C'est une vie entière consacrée à cet ouvrage, enfin, disons, à cet ouvrage collectif qu'était le journal. C'est un travail énorme, d'autant que le 15 juin 1900, Graff se lance dans un nouveau projet qui est l'éducation libertaire, une revue mensuelle internationale. Mais elle s'arrêtera en 1902, cette revue. C'était le prolongement d'une tentative de créer une école libertaire. Alors, elle devait être ouverte aux enfants, cette école libertaire. C'était un projet évidemment soutenu par Jean Graff et quelqu'un d'autre qui s'appelait Pierre Quilliard. Alors, ça n'a pas pu se réaliser, mais ça a donné lieu à des cours du soir pour adultes. Là, on remarque encore que finalement le souci principal de Graff, c'était d'éduquer les masses ouvrières à la doctrine anarchiste. Ensuite, la guerre survient et là, en 14, Graff se réfugie en Angleterre où il rejoint Kropotkin. Oui. Et on en a souvent déjà parlé. En 1916, il va signer le manifeste des 16, appelant finalement à l'union sacrée et favorable à l'interventionnisme et refusant. Disant que les conditions pour la paix ne sont pas encore réunies en 1916, parce que l'Allemagne ne va pas renoncer à ses conquêtes territoriales, et ne va pas non plus renoncer à ses exigences financières. Alors les exigences financières, il y en a une qui est quand même assez amusante, c'est paraît-il que les Allemands voulaient empocher les emprunts russes. On aurait pu leur donner sans coup férir, puisque la révolution russe, finalement les a réduit leur valeur à néant. Mais bon, évidemment, cet appel à signer le manifeste vaudra l'animosité des anarchistes. Ensuite, quand il revient en France, il continuera de militer, mais il n'est pas aussi bien accueilli qu'il aurait voulu par le milieu anarchiste, à tel point qu'il va publier un livre où il attaquera de façon assez méchante, semble-t-il, pas mal d'anarchistes. Et il va être, c'est un livre qui intitule Le Mouvement Libertaire sur la Troisième République, je crois, et qui est assez peu amène. Voilà, ensuite, il va mourir oublié en 1939. Oui, c'est le sort de la quasi-totalité, comme Guillaume. Mm-hmm. C'est le sort des gens qui ont pris qui ont fait le mauvais choix, hein, et qui se sont discrédités, hein, aux yeux de beaucoup, beaucoup de militants. Pendant la Première Guerre mondiale. Et oui, c'est ça, à cause de la Première Guerre mondiale, à cause de leur position, qui n'était pas exactement une position d'union sacrée, hein, qui était surtout une position de guerre jusqu'au bout contre le militarisme prussien. Ouais. C'était ça le mot d'ordre, en vérité. Hein. Oui, mais bien sûr, au bout du compte, la réponse des anarchistes à ce manifeste, des anarchistes qui restaient contre la guerre, c'était de Chapiro, fait, Goldman, oui, c'est que en réalité, de fait, c'est l'union sacrée. C'est oui, on n'apparaît pas. Ça a été une grosse, grosse erreur tactique, tout à fait tragique pour l'avenir du mouvement libertaire en France, par exemple. Oui, c'est sûr. Alors, d'abord, je vais exposer donc l'enjeu général de l'ouvrage, expliquer un petit peu son titre. Titre qui est un beau titre, je trouve. Alors, l'enjeu général, c'est quoi? C'est que, selon Graff, la société capitaliste bourgeoise est agonisante. Pourquoi? C'est parce que la bourgeoisie elle-même a été obligée d'ébranler les principes fondamentaux de la domination et de l'autorité pour arracher le pouvoir des mains de l'aristocratie. Et le problème, c'est que, une fois que l'autorité, le principe de l'autorité a été ébranlé, se met en marche un principe de critique, une démarche critique qui ne peut plus être arrêtée, selon Graff. Alors la bourgeoisie a bien essayé, par la suite, après sa révolution, de justifier à nouveau frais sa propre autorité en mettant en place de nouvelles institutions que nous verrons. Mais l'anarchie, elle, de son côté, est définie par Grave comme la négation de l'autorité. Et donc pour lui, le travail des anarchistes consiste à poursuivre le travail de sape entamé par la bourgeoisie, mais cette fois contre l'autorité et la propriété bourgeoise. Le but, c'est de dépouiller cette autorité bourgeoise de tous les déguisements idéologiques pour mettre à nu, finalement, la force et la violence qui la soutiennent en réalité. Si la société donc capitaliste est agonisante, pour Rhin, c'est parce que, on pourrait dire, le roi est nu. On voit qu'il ne repose plus que sur la violence et que sur l'appropriation violente. Et donc pour Grave, il va falloir démontrer, pour bien enfoncer ça dans la tête des gens, que les institutions bourgeoises, que sont la propriété, la justice, la loi, l'armée, sont mauvaises en elles-mêmes, et qu'il ne suffit pas, pour améliorer les choses, de changer les gens qui les dirigent. Et donc Grave va attaquer les piliers de la société bourgeoise, que sont la propriété, la famille, l'autorité, le patriotisme, le militarisme. Alors on va résumer ça en trois plans de critique qui seront l'économie, la politique et la société. Alors oui, Michael ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bien ça le plan du livre de Grave, c'est de partir de la définition de l'anarchie comme négation de l'autorité et d'en déduire la négation de toutes les formes de l'autorité, que ce soit économique, politique, sociale, juridique. Mais il y a quand même une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas interpréter, à mon sens, l'analyse de Grave comme une négation absolue de toute autorité. Par exemple, je ne pense pas que la philosophie anarchiste gagne quelque chose à avoir des principes absolus. Par exemple, qu'elle se mette à penser que l'autorité est absolument mauvaise, ou que tout acte d'autorité serait en soi absolument mauvais. Parce qu'à mon avis, là, quand on fait ça, on s'interdit, par exemple, d'avoir des actes autoritaires contre certaines personnes qui peuvent être nos ennemis, et on s'interdit un certain nombre d'actions qui sont nécessaires, soit dans le cadre de l'organisation, soit en dehors, et qui sont nécessaires, au bon fonctionnement au mouvement, même à la cause et à sa réalisation. Et c'est quelque chose d'important. Par exemple, pour faire une comparaison, quand on voit Proudhon dans Du principe fédératif, lui, il part de l'idée que la solution fédéraliste ne peut pas être déduite d'une catégorie. Hein ? Jamais chez lui, ça n'est déduit d'une catégorie. Et c'est déduit d'une synthèse entre liberté et autorité. Et il explique bien, Proudhon, que la solution fédéraliste se comprend comme la meilleure solution possible pour résoudre le problème de la dualité autorité-liberté. Et donc je crois qu'il faudrait pas, et ça c'est important, parce qu'on peut pousser les raisonnements jusqu'à l'absolu, et là, à mon sens, on devient un religieux de l'anarchisme, faudrait pas interpréter la négation de l'autorité comme la négation de toute forme d'autorité, à quelque niveau que ce soit. Sinon, ça, on ne fait plus rien. Ouais, je pense qu'on reste, de toute façon, dans l'anarchisme, hostile à toute forme d'autorité de l'État. Ça, c'est clair, et ça, on ne peut pas reculer là-dessus. Il est absolument nécessaire que l'autorité ne provienne pas de l'État, que l'État ne soit pas le dépositaire de l'autorité. Cela dit, en revanche, comme tu le dis, à l'intérieur, par exemple, d'un mouvement révolutionnaire, il est bien nécessaire, par exemple, que certaines personnes prennent en charge certaines choses, voilà. Et que, à ce titre, si elles sont respectées par les militants, elles puissent le faire normalement. Voilà. Et d'ailleurs, Grave a dû rencontrer ce problème que rencontrent tous les militants, y compris de nos jours. Mais alors, j'ai trouvé à la page 128-129, donc, de son livre, une excellente métaphore qui est la métaphore du pique-nique, et que je me permets de lire sur la question de comment est-ce qu'on doit ou on peut admettre l'autorité dans un mouvement qui est libertaire. Et il dit « Quand nous allons en partie de campagne, avec de nombreux amis par exemple, et que nous nous en remettons aux connaissances de l'un de nous pour nous mener à l'endroit choisi, s'ensuit-il que nous l'avons fait notre maître, et que nous nous sommes engagés à le suivre aveuglément, partout où il lui plaira de nous mener ? Lui donnons-nous la force pour nous y contraindre au cas où nous refuserions de le suivre ? Non. S'il y a parmi nous quelqu'un qui connaisse le chemin, nous le suivons, par où il nous mène, parce que nous le supposons capable de nous mener où nous voulons nous rendre, que nous savons qu'il s'y rend lui-même, mais nous n'avons rien abdiqué de notre initiative et de notre volonté. » Moi, je trouve que cette image, n'est-ce pas, de la partie de campagne est une excellente métaphore pour toute forme d'organisation libertaire. Elle suppose, en effet, le respect de l'autorité de certaines personnes, pour peu que les moyens soient établis pour qu'ils n'en abusent pas, que cette personne soit révocable, par exemple. Qu'elle soit révocable, qu'il soit prévu que si, par exemple, il emmène les gens dans un endroit vraiment pourrave et que les gens n'ont pas envie d'aller manger à cet endroit-là, il décide finalement de ne pas aller là et il nomme finalement quelqu'un d'autre ou il décide autrement, collectivement, d'aller ailleurs. Voilà, je crois que c'est un petit débat, c'est sûr, et en même temps, c'est un grand débat. Et apparemment, il se posait déjà à l'époque. Oui, puisqu'on a vu que Malatesta distinguait organisation et autorité, par exemple, et qu'il pensait que les deux n'allaient pas ensemble, et que justement l'autorité s'imposait là où il y avait de la désorganisation. Bien sûr. Qu'il fallait bien organiser les choses pour éviter l'autorité. Et il avait bien perçu que le type de reproche que l'on fait aux anarchistes, à savoir « vous êtes contre l'autorité absolument », est un reproche extrêmement efficace contre l'anarchisme. C'est qu'il fait passer les anarchistes pour des utopistes et des irréalistes. Et c'est précisément ce qu'il faut combattre, c'est l'irréalisme dans nos rangs. Et alors, Jean Grave, lui, en plus, je pense qu'il aurait sans doute été d'accord avec ça, parce que il va mener la critique de la société capitaliste bourgeoise à partir de ce qu'il appelle l'idée anarchiste. Et l'idée anarchiste, pour lui, doit avoir pour but, finalement, quoi ? Le communisme libertaire. C'est-à-dire que, contrairement aux anarchistes individualistes, pour Grave, les mots communisme et anarchisme ne hurlent pas quand ils sont accolés ensemble. C'est une des phrases du début de l'ouvrage. Oui. Alors, qu'est-ce que veut le communisme libertaire ? C'est une société égalitaire et solidaire, où tous les individus peuvent s'épanouir librement. Ce serait une société où le bonheur individuel ne se réalise pas au prix du malheur d'un autre. Pourquoi ? Parce que ce bonheur individuel est le résultat justement du bien-être collectif. Et la société doit être faite justement pour favoriser l'épanouissement des individus. Là où Grave est d'accord avec les anarchistes individualistes, là où il pense que finalement il s'agit essentiellement d'une querelle de mots, c'est qu'il dit bien, pour aucun anarchiste, il ne s'agit de dire que les individus doivent être sacrifiés aux besoins collectifs, même si on est communiste libertaire. C'est pour ça qu'il pense qu'il y a une part de verbalisme dans la querelle qu'il oppose aux anarchistes individualistes, à moins que les individualistes n'aient pas perçu toutes les conséquences de leur doctrine égoïste. Alors j'y reviendrai plus tard, parce que Grave dit... si vous pensez que seul votre moi compte et que la communauté, vous n'en avez rien à faire, qu'est-ce qui vous distingue ou qu'est-ce qui vous... D'un libéral. D'un bourgeois. Et à la limite, vous êtes même pire qu'un bourgeois, parce que le bourgeois, lui, au moins, il a à cœur l'intérêt de sa famille. Hein. Il n'est pas complètement égoïste. Il peut éprouver de l'amour pour les siens. Mais si vous êtes même incapable de ça, finalement, vous êtes pire que les pires des bourgeois. Oui, ça se trouve à la page 26 et la page 27, et là, il traite en effet cette question avec les fameux termes dont tu parles, l'adoration de son moi. Il parle d'un parfait égoïste, d'un triste individu. Cela dit, il commence tout de même, clairement, comme un vrai libertaire. Oui. Il dit, l'individu libre, complètement libre, dans tous ses modes d'activité, voilà ce que nous demandons tous. Ouais. Donc il n'y a pas de débat en réalité. Oui. Ce qui se passe, c'est que Grave, on voit bien, il tente la synthèse. Oui. Hein. Déjà, le problème de la synthèse se posait, et il tente la synthèse entre la question de l'individu dont il faut maintenir l'objectif de satisfaction absolue, et en même temps les nécessités de la vie en commun, et donc de ce que cela implique, y compris dans le cadre militant, comme concession pour arriver à quelque chose. C'est-à-dire que pour lui, il s'agit de mettre la société au service de tous les individus, et plus seulement au service d'une minorité d'individus, qui en profite pour opprimer tous les autres. Bien entendu. Mais là où c'est fort, c'est qu'il voit clairement que l'individualisme, c'est le cœur de la pensée de l'adversaire. L'individualisme, c'est le cœur de la pensée du libéralisme. Et que donc, si on l'applique et si on l'importe à l'intérieur d'une pensée révolutionnaire telle que sans le modifier et sans y réfléchir, c'est un véritable poison. Ah. Et là, sur ce point, il a des mots, il faut le dire, qui sont assez durs. Dans ce sens-là, il va dans le même sens que Kropotkin, puisque Kropotkin, donc tu disais qu'il était le grand ami, et dans ce livre, c'est vrai qu'il traduit beaucoup des idées de Kropotkin aussi, et qui disait dans La science moderne et l'anarchie qu'il condamnait l'individualisme absolu, le mythe de Robinson Crusoe, seul sur son île déserte. Oui, Bakounine va dans la même direction, disant que la liberté absolue n'est qu'une chimère et qu'on vit en communauté de toute façon. Voilà. La solidarité est un impératif. Et qu'on est libre de la liberté de l'autre. Oui. Et que donc il y a nécessité à bien vérifier que ces deux libertés-là ne vont pas l'une contre l'autre. Tout à fait. Alors, par rapport à ce but donc d'une société égalitaire et solidaire, où tous les individus s'épanouiraient librement, Grave rencontre une objection que nous rencontrons tous quand nous parlons à des gens qui ne sont pas anarchistes, et cette objection, c'est un peu le pont aux ânes, c'est la méchanceté de l'homme, qui rendrait l'idéal anarchiste complètement chimérique, complètement vain. Alors, c'est à la fois l'objection qu'on attend tous et qu'on entend tous, et en même temps, c'est une objection relativement forte avec laquelle il faut toujours se débattre, parce qu'elle n'est pas évidente à déjouer. Alors, cette objection consiste à dire que les hommes sont tellement méchants qu'ils ont besoin d'une autorité qui les tienne en respect. Ça, c'est des termes de Hobbes, c'est-à-dire en respect des hommes, pour justement qu'ils vivent en paix ensemble. Alors, et donc, ils disent, ben, pour vivre de façon anarchiste, il faudrait changer l'homme radicalement, le refondre. Alors, c'est un problème important, parce que ça débouche sur la question de savoir, c'est ben, que faut-il informer en premier ? L'homme ou la société ? La plupart des gens qui vous disent ça, qui vous disent que la méchanceté de l'homme rend l'idéal anarchiste impossible, sont finalement de fiefs conservateurs qui des religieux souvent et qui vont pas seulement non des commissaires de police aussi qui sont très friands de cette idéologie, mais c'est souvent des gens qui vous disent que finalement tout changement, toute amélioration est impossible. Alors comment va répondre Grave à cette vision à la Hobbes de la nature humaine, puisque Hobbes fonde tout son système finalement sur cette méchanceté native de l'individu humain qui en veut à son prochain. Oui, donc c'est celui qui disait l'homme est un loup pour l'homme, hein, pour rappeler la pensée fulgurante. Aussi un dieu pour l'homme, il est un peu plus compliqué que ça, c'est quand même un grand penseur. Mais donc l'analyse de Grave, elle, est un peu nuancée. Ce qu'il va dire, il n'est pas rousseauiste, il ne va pas vous dire l'homme est bon par nature et la société l'a corrompu. Il va dire non, on peut voir que les premières communautés humaines étaient sans doute fondées sur l'égoïsme et sur la domination des plus faibles par les plus forts. Il faut dire qu'à l'époque, les plus forts, finalement, ignoraient complètement les bénéfices de la solidarité. Ils ignoraient aussi les coûts de la domination. Ils n'avaient pas fait de calcul, finalement, de coûts-bénéfices. Ils s'étaient pas aperçus que la solidarité rapportait davantage et que la domination coûtait si cher. Et cette erreur initiale a perduré jusqu'à aujourd'hui. Pire encore, selon Grave, les sociétés capitalistes encouragent les pires instincts humains. Car elles reposent sur quoi ? Elles reposent sur la concurrence entre les classes sociales et même sur la concurrence entre les individus. C'est-à-dire que là, contrairement encore à la vision hobbesienne des choses, l'État ne veut pas mettre fin à une guerre de tous contre tous. Dans la société bourgeoise, au contraire, l'État est l'abri, quelque sorte, d'une guerre des bourgeois contre les travailleurs. Il l'organise, mais aussi d'une guerre des bourgeois entre eux et des travailleurs entre eux. Ce qui fait que d'un côté, la société bourgeoise est plus fragile qu'on pourrait penser parce que les bourgeois ne sont pas ligués entre eux, donc leurs intérêts ne sont pas toujours concordants, mais que dans le même temps, l'opposition ouvrière est elle-même travaillée par des divisions et par la concurrence organisée par la société capitaliste. Donc, l'état social actuel se résume à quoi ? À une guerre de chacun contre chacun. Et on ne doit donc pas s'étonner que des hommes élevés dans une ambiance aussi délétère soient mauvais. Ils sont rendus pires qu'ils ne sont par la société actuelle. Mais cela n'est pas immuable. Ici, justement, Grave ne tombe pas dans le piège de la méchanceté humaine. Il va dire, il remarque que l'individu peut s'améliorer moralement. Et cela se manifeste par la solidarité, sans laquelle il n'y aurait absolument aucune société possible. D'ailleurs, la religion a exploité ce besoin de solidarité en poussant jusqu'au sacrifice de soi, ces choses qui sont elles-mêmes complètement impossibles. Cette perfectibilité morale de l'individu est aussi manifestée par le fait... un fait tout simple, et j'aime beaucoup l'argument ici, c'est que la société capitaliste elle-même, actuellement, n'est pas bouleversée par des émeutes ou des pillages. Or, dit Grave, si l'homme était aussi méchant que le disent les bourgeois, qu'est-ce qui les empêcherait de piller les magasins quand ils ont faim, de s'organiser en bande pour massacrer la police, de faire ce genre de choses ? Or, ils ne le font pas. Et on sait bien que la police serait totalement impuissante à le faire si tous les hommes se mettaient tout d'un coup à se révolter, à se rebeller, à n'en faire qu'à leur tête. Et donc, l'argument Grave, c'est si la société capitaliste actuelle fonctionne, c'est que l'homme n'est pas si mauvais que le croient les réactionnaires. L'homme est aussi animé par un instinct de sociabilité, et donc il reconnaît d'autres principes que la force, des principes de justice. Et donc, finalement, si c'est une idée assez intéressante, je trouve, c'est que c'est l'idée que la société capitaliste, pour Grave, est une société retardataire. Elle est retardataire par rapport aux possibilités morales de l'homme. Et finalement, l'exploitation repose sur quoi ? Elle repose sur les meilleures tendances de l'humanité. On retrouve là un peu les idées de Kropotkine sur la société, l'entraide comme principe fondamental de la constitution des communautés. Tout à fait. Et aussi et surtout cette idée qu'on voit chez Bakounine qui est celle de la patience des peuples. Quand Bakounine dit, mais comment il est possible que les gens endurent tant de choses sans se rebeller, comme tu viens de le dire, donc sans violence, sans que la violence vienne immédiatement. Et il dit, les gens ont une patience qui est extraordinaire. Évidemment, c'est une patience qui, selon lui, est peut-être une qualité, mais qui, politiquement, finit par devenir un défaut. Hein. Ça, c'est un aspect des choses. D'ailleurs, sur la délinquance grave, tu vas peut-être en parler un peu plus loin, sur la question de la délinquance, il a aussi des mots qui sont un peu durs, hein, sur ces attaques, sur ces gens qui attaquent et qui ne font que des profits individuels. Moi, j'ai une petite citation. Sur le légalisme. Oui, c'est quand il dit, par exemple, ainsi par exemple, autant nous approuvons et voudrions voir se renouveler les actes de l'individu qui, poussé à bout par la mauvaise organisation sociale, s'empare de vive force et au grand jour de ce dont il a besoin, donc un vrai acte de rébellion et d'expropriation, revendiquant hautement son droit à l'existence, autant les faits rentrant dans la série des vols ordinaires nous laissent froids et indifférents, car ils ne comportent pas avec eux le caractère de revendication sociale que nous voudrions voir s'attacher à chaque acte de propagande. Donc là, de ce point de vue-là, il y a tout de même à réfléchir aussi sur certaines pratiques un peu irresponsables et qui ne sont pas anarchistes en fait et qui sont de la pure délinquance de droit commun sans intérêt. Et un peu plus loin, il dit le voleur est un bourgeois frustré. Absolument, quelqu'un qui veut s'enrichir comme n'importe quel patron capitaliste. Mais bon, la plupart des gens, eux, ne sont pas dans ce cas-là et la difficulté, c'est que leur instinct de sociabilité, le fait qu'ils aient envie que la société fonctionne bien et de vivre en paix, font qu'ils ils vont avoir justement cette patience du peuple, font qu'ils vont accepter les principes actuels de l'autorité. Et les principes actuels de l'autorité sont trompeurs. C'est-à-dire que, pour Grave, le seul droit de l'autorité, en dernier ressort, est celui de la force. Simplement, toutes les autorités dans l'histoire ont été obligées de masquer cette pure force par différents artefacts idéologiques. Souvent, ça a été Dieu. Et c'est ce qui leur a permis, justement, de se maintenir, parce que si on voit que seule la force finalement soutient le régime, rien n'empêche de lui opposer une autre force et de le renverser très vite. Ça, c'est une idée qu'on trouve, ça dans le contrat social de Rousseau, c'est une assez belle idée où il dit jamais le maître ne sera assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme l'obéissance en devoir. Et donc là, Grave est en plein dans cette idée que justement il faut, si on est anarchiste, mettre à nu le roi, montrer qu'il n'est finalement qu'un être humain, que les principes dont qu'il s'arroge pour gouverner sont fictifs, mais ça, il faut aller plus loin que la critique de la royauté, il faut aussi y appliquer ces principes à la démocratie libérale dans laquelle nous vivons. Oui, Michael ? Donc derrière la justice, le droit, en fait, il y a la force, pure. C'est ça que veut dire Grave ? Complètement. Ah, il le rappelle plusieurs fois. Hein. Mais il présente la justice comme un masque d'une situation de force, pure et simple, brutale et cynique. Mais c'est un masque essentiel, un masque sans lequel le point ne peut pas se maintenir. C'est ça. C'est pour ça que je faisais allusion à Rousseau, parce que il y avait une petite querelle à travers les âges entre Rousseau et Pascal sur justement le statut de la justice, à savoir est-ce que, comme dit Pascal, nous pouvons faire que la force, que le droit fût fort, on a fait que la force fût droite ou juste. Pas tout à fait, parce que justement ce masque est nécessaire, c'est pas un simple masque, c'est aussi un des piliers. Et si on veut abattre la personne qui se cache derrière le masque, il faut abattre les piliers qui la soutiennent, les institutions, en fait, les institutions qui la soutiennent, qui la masquent. C'est pas un simple voile, hein. C'est quelque chose qui soutient. Nous abordons maintenant notre troisième partie qui va être consacrée à l'examen des principes de l'autorité qui sont au fondement de la société bourgeoise, et nous allons voir pourquoi ils sont trompeurs, et nous allons voir aussi pourquoi la société bourgeoise est mourante. Alors j'y reviendrai plus tard, mais c'est parce que essentiellement, pour Grave, cette société est fondée sur des principes autodestructeurs. Finalement la remise en cause des principes d'autorité qui ont acquis son pouvoir pendant la Révolution, mais aussi l'instauration, l'organisation d'une guerre sociale entre tous les individus dans la concurrence déchaînée au profit. Toutes ces choses font que cette société est un cadavre pourrissant. Oui. Nickel. Et on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si justement il n'y a pas une analogie à faire avec la fin de cycle à laquelle nous parvenons, puisque avec la crise économique et financière à laquelle nous assistons, et donc une perte de valeur considérable, par exemple au niveau des bourses, les licenciements, le chômage qui commence à débarquer, est-ce qu'on ne retombe pas dans une situation qui est proche de celle que Jean Grave décrivait donc en 1893, lui aussi était dans la tourmente des crises financières et économiques, et quelques dizaines d'années après, bon d'abord il y a les guerres coloniales, il les critiquera, et puis c'est la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui même des ferments de pourrissement, aussi bien dans la situation de la propriété bourgeoise que dans les situations militaires et autres, et financières, économiques, que nous présente le système. Alors malheureusement, le capitalisme nous a habitués à rebondir, donc on ne peut pas trop oui. vite crier victoire, d'autant qu'il est tout à fait capable de créer une bonne vieille guerre, histoire de relancer ces industries pourrissantes. Mais enfin bon, la question que tu poses mérite d'être posée, je crois. Moi, je pense en plus qu'il faut... Je suis d'accord qu'il y a une parenté entre la situation de dépérissement de l'autorité bourgeoise, aussi bien de l'État, le discrédit qui frappe désormais un très grand nombre d'institutions, ainsi que le discrédit qui frappe, et ça me paraît très important dans la période actuelle, l'idée du libéralisme, c'est-à-dire l'idée de la société fondée sur la finance et exclusivement sur elle. Cette idée-là, elle a pris un grand coup dans la gueule, c'est un fait. Ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont au pouvoir, aussi bien aux États-Unis, dans le cœur de l'impérialisme, qu'en Europe, hein, ou qu'au Japon, c'est qu'il y a une capacité aussi à chercher à utiliser l'État, précisément, pour sauver les bêtises qui ont été faites par des gens du privé. Et là, on retrouve cette collusion entre la bourgeoisie et l'État. Alors, dépérissement, affaiblissement, c'est vrai, car des sommes énormes ont été perdues, et ces sommes sont perdues, y compris pour les plus riches. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant tonsurer un peu plus le peuple pour récupérer ce qu'ils ont stupidement perdu, donc c'est évidemment un problème. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas se leurrer et tomber dans la théorie déterministe du fossoyeur, de la société qui produirait ses propres fossoyeurs. Parce qu'on sait très très bien que jusqu'à présent, les fossoyeurs se sont enterrés eux-mêmes et qu'en vérité, les sociétés capitalistes ont été capables d'empêcher que ces fossoyeurs ne fassent le travail. Et je crois qu'il va falloir... Oui, ce n'est pas la crise finale, quoi. Ce n'est pas la crise finale. C'est une crise qui est très très grave. C'est certainement la crise du siècle pour le 21e. C'est une crise aussi grave que l'a été celle de 29, probablement pour le 20e. Elle a un caractère exceptionnel, extrêmement profond. Elle sera extrêmement dévastatrice. Il faut aussi bien mesurer, puisqu'on en est en train de parler de grave et des autres, que l'état idéologique de notre peuple, ou des peuples dans les pays dominants, par exemple, est aussi un état qui est très délabré sur le plan de la contestation, et que, en vérité, les solutions alternatives ayant été essayées dans certains cas, et avec beaucoup de déceptions, les gens ne sont pas tous décidés à se lancer dans des solutions radicales. Néanmoins, il faut aussi penser que le travail, justement, des révolutionnaires consiste à faire ces propositions radicales afin qu'elles fassent leur chemin. Et c'est aussi pour cela que nous demandons à tous les gens qui ont envie un peu que ça change, de relire cet excellent manuel de propagande qu'est ce livre de Jean Grave, qui est court, qui est une petite lecture, ne pas oublier que c'était des articles de journaux. Disponible aux éditions Trinquier. Disponible aux éditions Trinquier, dans la grande collection noire, et qu'on trouvera évidemment chez Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, au métro Oberkampf ou République. Voilà. Et donc, on t'a interrompu longuement, Michel, vas-y, continue donc. Peu importe, c'était des choses nécessaires à dire. Alors, donc, maintenant l'examen donc, des principes de l'autorité. Alors, d'abord, on va voir les principes en matière économique. Alors, en fait, il n'y en a qu'un seul, mais il est essentiel, c'est la propriété. Car la base de la société capitaliste, c'est l'appropriation individuelle, selon Grave. À tel point que, selon lui, la seule raison d'être de l'autorité, c'est la défense du capital. Alors, je vous le cite, « Famille, bureaucratie, armée, magistrature découlent directement de la propriété individuelle. » Alors, cependant, c'est l'injustice, finalement, de cette appropriation et du monopole sur la propriété exercée par une minorité sociale devient criant depuis que l'inégalité ne peut plus être justifiée par le droit divin. Et là, Graf dit que justement, c'est la science bourgeoise elle-même qui a détruit les fondements divins de la propriété et de l'autorité. Il se livre d'ailleurs à une histoire cosmique de la création de la Terre et de l'apparition de l'humanité, uniquement pour dire, voilà, Dieu est une hypothèse dont on n'a pas besoin, mais cette hypothèse qui peut paraître abstruse ou métaphysique a finalement des conséquences importantes, c'est qu'il n'y a plus aucune autorité surnaturelle qui vient justifier les inégalités sociales. On ne peut plus dire, comme saint Paul, soumettez-vous au roi parce que c'est Dieu qui a voulu que cet homme-là soit roi, et que donc il faut se soumettre aux autorités. C'est saint Paul dans la lettre aux Romains, ça a été utilisé par tous les catholiques du monde pour dire aux croyants, taisez-vous et obéissez. Bon ben, si Dieu n'existe pas, où est le fondement de l'autorité? Et donc la science bourgeoise ayant détruit ce fondement, ben, se trouve bien embêtée. Puisque maintenant, comment peut-elle faire pour justifier qu'une minorité accapare la majorité des biens en exploitant le reste de l'humanité? Alors, elle a justement, qu'est-ce qu'a fait la science bourgeoise? Elle a inventé l'économie. C'est-à-dire qu'elle a tenté de fonder à nouveau frais l'institution de la propriété en prétendant que les lois sociologiques qui permettent de décrire la société étaient des lois naturelles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, on va tous vous dire que la loi de l'offre et de la demande est presque semblable à la loi de la gravitation. Voilà. Une pomme tombe selon la gravitation, les prix montent et baissent en fonction de l'offre et de la demande, c'est la nature, c'est pareil. Et c'est des modèles mathématiques très compliqués qui les gèrent, oui. Et aucun de ces modèles n'a fonctionné pour la récente crise qui vient de frapper le capitalisme. Oui, mais d'ailleurs, signaler, en matière de science, il faut qu'ils revoient leur petit papier quand même. Oui, non, mais la correspondance miraculeuse entre l'offre et la demande n'est qu'une ressuscité théologique de l'harmonie préétablie entre le libre des prix, qui est une métaphysique pure. Oui. C'est complètement. Oui, tout à fait. L'État intervient toujours pour équilibrer les choses, soit en fixant des prix d'entrée, soit en fixant des prix de sortie. Et de fait, il n'y a absolument aucune balance naturelle entre ces choses-là. Mais bon, c'est le moyen qu'a essayé de trouver la bourgeoisie pour sauver les meubles, si j'ose dire. C'est un moyen assez efficace parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient encore, beaucoup de croyants en la matière. Oui, Michael ? Il y a une chose aussi marrante que dit Grave, c'est par exemple que en volant les propriétés de l'aristocratie, en faisant la révolution par exemple de 1789, eh bien la bourgeoisie, comme tu le dis, a sapé aussi le fondement de sa propre justification de la propriété, puisque pourquoi les autres classes ne viendraient pas à leur tour, puisqu'elles sont exploitées, spolier les propriétaires bourgeois des biens qu'ils usurpent. Oui, qu'ils ont volé eux-mêmes aux anciens aristocrates. C'est une généalogie assez marrante. Oui, oui, alors ça c'est à la page 54. Tu as un passage. Oui, il dit « Les bourgeois sont donc malvenus de crier au vol lorsqu'on veut les forcer à restituer, car leur propriété n'est elle-même que le fruit d'un vol. » Voilà. Alors l'autre naturalisation des lois économiques auxquelles se sont livrés les économistes bourgeois, c'est de tout réduire à du capital. Le travail que vous fournissez, c'est du capital. Les enfants que vous faites, chers auditeurs, je vous l'apprends, c'est aussi du capital. C'est-à-dire que vous prenez un risque en investissant dans le futur, voilà, vous faites un enfant, c'est un capital pour vos vieux jours, prenez-en soin. Évidemment, le capital lui-même serait soi-disant du travail passé économisé, ce qui fait que les ouvriers pauvres n'ont qu'à s'en prendre eux-mêmes, c'est sans doute parce qu'ils ont trop vu qu'ils sont pauvres, et s'ils avaient économisé, ils seraient devenus de bons bourgeois. Alors Graf se prend toutes ces mythologies de front et les assassine l'une après les autres de façon assez jolie, l'ouvrage. Et il conclut en disant que le capital est bien du travail passé accumulé, mais c'est le travail des autres qui est accumulé dans les mains d'un seul, un voleur. C'est du travail extorqué. C'est du travail extorqué. Et ça. C'est du travail passé accumulé, mais c'est du travail volé. Alors il y a des phrases extraordinaires, il dit, bien sûr... Mais comme toute cette réduction de l'activité humaine en capitaux n'explique pas l'original du capital argent, les économistes ont trouvé ceci. Puis alors, il décrit bien sûr cette théorie fallacieuse de la création de capital. C'est très très bien vu parce que en réalité c'est une façon très très pédagogique et très simple de montrer comment d'un côté il y a des gens qui profitent du travail des autres et de l'autre il y a des gens qui ne peuvent que reproduire leur propre force de travail. Idée qu'on trouve évidemment dans le capital de Marx y compris. Hein, c'est une idée des économistes critiques depuis les années 1850. Mais là, c'est exprimé d'une façon assez, je trouve, assez chaude et assez amusante. Et puis c'est vrai qu'il fait aussi écho à ce fameux premier mémoire de Proudhon, Qu'est-ce que la propriété ? Bien sûr. Qui montrait les contradictions internes du régime propriétaire et qui dénonçait l'inégalité de la propriété comme ferment non pas seulement de principes d'autorité, mais aussi des déséquilibres du pourrissement dont Graff parle dans La société mourante et l'anarchie. Et il faut bien savoir qu'aujourd'hui, les inégalités de fortune entre les Français sont bien plus dues finalement aux inégalités de patrimoine hérité qu'aux inégalités salariales. On est dans plein dans Graff, parce que Graff dit, c'est pas à partir de votre simple travail que vous allez devenir riche. La plupart des gens riches, soit ils ont exploité des autres, soit ils ont hérité d'une fortune. Mais la richesse, le capital, ne surgit pas simplement, comme ça, miraculeusement, du travail d'un individu. Surgit du travail des autres. Il surgit du travail des autres qu'on pompe. Que l'on travaille extorqué. Évidemment. Alors, autre principe, c'était aussi dans le domaine politique, qui vient soutenir le régime de l'autorité bourgeoise, c'est la loi de la majorité, qui est à remplacer, là encore, qui fait partie de ses substituts au droit divin, pour justifier l'autorité bourgeoise. Alors, Graff fait un peu l'historique de tout ça, c'est qu'il note que, tout d'abord, la bourgeoisie craignait le suffrage universel. On va pas insister très longtemps là-dessus, parce que nos auditeurs, j'imagine, savent quoi penser du suffrage universel. Mais Graff rappelle que d'abord elle avait établi finalement le suffrage censitaire pour laisser aux plus riches le droit de vote et bien contenir les désirs populaires là où ils devaient être. C'est le vote des propriétaires. Et ce qui fait que le prolétariat a dû faire la révolution pour obtenir le suffrage universel. Et donc le prolétariat a payé de son sang cette réforme. Or, de quoi s'aperçoit-on que le suffrage universel n'est qu'un nouvel instrument de domination, plus fin, plus économique en termes politiques, c'est-à-dire qu'il coûte moins cher en répression. Et finalement, ça se résume à quoi ? Ça se résume au droit de choisir son maître. Ou au droit de subir le maître choisi par ses voisins, pour peu qu'on n'ait pas voté par ce maître-ci. Et finalement, le suffrage universel ne vient que masquer la domination effective d'une minorité de minorités qui détient l'autorité. Alors cette minorité, c'est quoi ? C'est d'abord la minorité des votants. Ensuite, c'est dans la minorité des votants, la minorité de ceux qui ont voté pour un des nombreux candidats en lice, c'est-à-dire 20% des gens. 20% des 40% de gens qui ont voté, mettons, ou 50% de gens qui ont voté, sur la totalité de la population. Et ensuite, c'est quoi ? Et ensuite, c'est la minorité de ceux qui, à l'Assemblée, arrivent à intriguer pour imposer leur vue. Ce qui fait que finalement, le suffrage universel, ça revient à quoi ? Ça revient à la domination d'une soixantaine de personnes sur tout un pays. Bien sûr, et ça ancre leur autorité d'autant plus. Et ça ancre leur autorité parce que justement, l'illusion de justice du suffrage universel persiste parce qu'on a fait croire aux hommes, dit Graff, qu'il suffisait de changer les dirigeants pour mettre fin au système d'exploitation. C'est pour ça qu'il faut se souvenir de la définition que donne Graff ou redonne Graff de suffrage universel. Il dit, à la page 60, première définition, « Qu'est-ce que le suffrage universel, sinon le droit pour les gouvernés de choisir leur maître ?» Le droit de choisir son maître. Et la deuxième définition qu'il donne, et qui est extrêmement intéressante, et qui est à page 126, et qui est encore plus moderne, il dit « Le suffrage universel est un moyen d'étouffer l'initiative individuelle. » Parce que, vous savez, il y a des tas de moyens de faire croire de nos jours que par le suffrage universel, on peut prendre des initiatives. Je pense par exemple à sa fameuse théorie du référendum d'initiative populaire. Ah oui. Dont il est patent, qu'il est systématiquement manipulé. Par exemple, présenter précisément l'initiative populaire comme étant quelque chose qui peut s'exprimer par la voie de suffrage universel est quelque chose contre quoi Graff nous met en garde. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas tomber dans ce piège, oui. En même temps, et comme on le disait un petit peu au début de notre émission, je crois qu'il ne faudrait pas non plus tomber dans le piège inverse de ne jamais participer peut-être à aucune forme de délibération. Parce que si on prend l'exemple de la guerre d'Espagne, les gens se regroupaient, délibéraient, prenaient des décisions. Bien sûr. C'est-à-dire que si les conditions... Au plan local. Si les conditions sont présentes d'une véritable révolution sociale et que les personnes, les masses, ont la possibilité de faire valoir leur position, il ne faut pas qu'elles aient peur de voter si elles peuvent faire, si elles jugent que les conditions d'organisation sont des conditions d'organisation qui vont leur permettre de représenter vraiment leurs intérêts. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou de la délibération et de la décision prise. Sinon, là encore une fois, on tombe dans la pensée des absolus et on ruine toute forme d'action possible. Ah, je suis d'accord, dans une assemblée générale, on vote. Voilà. C'est un très bon exemple. Bien entendu. Alors enfin, dans les principes, il faut aborder les principes sociaux qui soutiennent l'ordre bourgeois. Alors, premiers principes sociaux, alors il y en a trois, je ne sais pas si on aura le temps de tous les voir bien, c'est la loi, la famille et le patriotisme guerrier. Alors, au sujet de la loi, c'est encore un de ces nombreux substituts du droit divin, et c'est encore un de ces déguisements du règne de la force. Alors, Grave a des mots très durs au sujet de la loi, elle dit qu'elle est inutile, n'empêche pas les crimes, et les crimes, pourquoi elle n'empêche pas les crimes? Parce que les crimes sont le résultat d'une mauvaise organisation sociale. C'est-à-dire que, comme on le voit, le crime le plus fréquemment puni, c'est quoi? C'est l'atteinte à la propriété. Mais pourquoi est-ce que les gens attendent si souvent la propriété? Parce que les biens sont mal répartis. Et donc, s'il y a autant d'atteintes à la propriété, c'est que le régime est injuste. Donc, page 76, on trouve cette phrase qui me semble très forte, dit « Pour détruire les criminels, il faut détruire l'état social qui les engendre. » Un état social qui punit des petits délinquants, qui honore les grands délinquants, et qui assure aux possédants la libre possession de ce qu'ils ont pris aux dépossédés. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'on est, sans faire de populisme excessif, c'est tout à fait actuel. Aujourd'hui, vous volez un scooter, vous allez en prison, vous volez quelques millions, vous avez sans doute la Légion d'honneur. On vous tire l'oreille. On vous dit que vous êtes un peu méchant, qu'il faut moraliser le système. En tout cas, vous allez négocier. Oui, voilà. On va négocier. Bon. On va négocier avec vous sur la façon de restituer une petite partie de ce que vous aurez volé. Voilà. Et au bout du compte, le type s'en tire en rendant le centième de ce qu'il a détourné. Donc, voilà pour la loi. Ensuite, la famille. Alors, la famille, la seule raison, finalement, pour Grave, de faire du mariage une institution garantie par la société, c'est la transmission des biens. Et Grave dit que ce régime matrimonial n'engendre qu'hypocrisie. Parce que les lois ne font pas les sentiments. Et en forçant les gens à vivre ensemble, ben, on les rend hypocrites, et finalement, on encourage l'adultère et le cocufiage. Point à la ligne. Et selon lui, on fait un contresens sur les anarchistes quand on dit qu'ils veulent détruire la famille. Pour lui, au contraire, il veut moraliser la famille. La moraliser, c'est quoi? C'est la rendre à la franchise des passions, qui ne peuvent pas être soumises aux lois. C'est ça, il croit à l'amour, il croit à l'union libre, voilà, des gens qui s'aiment. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, et il croit surtout que la famille n'est instituée que pour préserver la propriété, ce qui, à mon avis, est assez proche de la vérité. La fonction de l'héritage. Oui, la fonction de l'héritage. Enfin, un dernier point au sujet de ces principes sociaux qui viennent soutenir la bourgeoisie. Là, je trouve que quand on a des pages qui sont très belles et qui sont très actuelles et qui mériteraient d'être lues vraiment par beaucoup de gens, c'est au sujet du patriotisme guerrier, qui aussi est au service de la propriété. Pour Grave, la patrie est peut-être le meilleur substitut que la bourgeoisie ait trouvé au droit divin. Dit l'idée géniale de la bourgeoisie. En 89, l'idée géniale de la bourgeoisie, ça a été justement de faire apparaître la patrie comme la synthèse de tous les droits. Voilà. Et donc, de donner au peuple l'envie de la défendre au prix de son sang. C'est l'impôt du sang, la guerre. Or, en réalité, qu'est-ce que la patrie? Elle est fondée sur des limites arbitraires, qui sont souvent le résultat des conflits entre les États. Elle est composée de différentes races. Et d'ailleurs, Grave est tout à fait convaincu de l'égalité des races. C'est juste voilà, des bassins de peuplement, un peu différents. Donc il n'y a ni raison politique, ni raison ethnologique, on pourrait dire, qui viennent justifier ou qui viennent donner une réalité à l'idée de patrie. Il y a assez peu, il faut le signaler, de penseurs qui s'attaquent de manière aussi développée à la question du racisme à cette époque. C'est aussi un des seuls à s'attaquer à la question de la colonisation, sur laquelle beaucoup de penseurs avaient des idées extrêmement floues et vagues, qui étaient d'ailleurs liées à la gigantesque machine de propagande qui infectait les pays dominants, justement afin de justifier l'action colonisatrice. C'est vrai, on voit par exemple qu'il rentre bien dans dans la tronche à Gobineau et à tous les théoriciens du racisme français. Qu'il cite, en effet à l'époque expliquait que la race blanche était supérieure aux autres. La preuve, disait-il, elle a réussi la colonisation, il fallait bien que les autres soient inférieurs. Mmh. Et ce que dit Grave, c'est le contraire. C'est parce que ils ont été vaincus par les armes et par les canons que souvent des peuples ont été ramenés à un état d'infériorité. Bien sûr. Et c'est vraiment, il y a une analyse très profonde de ce que c'est que le racisme comme justification du colonialisme dans ce livre. Et de la colonisation elle-même, du processus. Et de la même façon que la patrie lui apparaît comme finalement le sol qui appartient à une minorité de jouisseurs planqués pendant que les travailleurs vont mourir pour protéger le sol. Il qualifie le colonialisme d'alliance entre le militarisme et le mercantilisme. Et la seule chose qu'il a à dire, c'est la colonie, c'est absolument pas le développement de la civilisation, c'est juste du pillage organisé. Et voilà, la citation est à la page 103. Hein. La colonisation a pris trop d'extension à notre époque pour que nous ne la traitions pas à part dans ce livre. Et donc il va l'étudier. Il le décrit, il dit « Ce produit hybride du patriotisme et du mercantilisme combiné, brigandage et vol à main armée à l'usage des dirigeants. » Je pense que c'est la meilleure définition, en fait, qu'on puisse donner de la colonisation et qui ne soit pas contestable. C'est-à-dire qu'on peut toujours débattre de qu'est-ce que c'est qu'une colonisation et à partir de combien de gens installés ou combien de capitaux extorqués il y a colonisation, etc. Mais le principe formel de la définition de l'alliance du patriotisme et du mercantilisme, ajouté bien sûr à l'usage de la force armée, c'est ça la définition de la colonisation. Il faut signaler d'ailleurs que Grave a consacré un ouvrage entier à la colonisation qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle « La colonisation » qu'il a publié en 1912. C'est quand même une chose que nous invitons bien sûr tous nos auditeurs à lire. Donc en définitive, les travailleurs n'ont rien à gagner à défendre les biens des bourgeois ou à aller se faire trouer la peau dans les colonies pour aider ces mêmes bourgeois à exploiter les pauvres indigènes. Et il est inutile de défendre un régime politique d'exploiteurs. Là, il est un peu loin de ce qu'il dira plus tard en 1916, c'est dommage. Mais bon. Et la guerre n'est que la ruine finalement pour le peuple. Alors, au contraire de la bourgeoisie qui a intérêt à la guerre, pour tout un tas de raisons. Parce que c'est une période de gouvernement facile, où l'opposition est réduite au silence, puisque dès que l'opposition l'ouvre, on la suspecte de collusion avec l'ennemi. Et pour la bourgeoisie, c'est aussi l'occasion d'engendrer des bénéfices. Alors donc tous ces fondements que nous avons vus, tous ces principes de la société bourgeoise, donc sont contradictoires et commencent à s'effondrer. Donc nous allons voir ensuite la nécessité de la révolution. Alors nous abordons maintenant donc la quatrième et dernière partie de notre émission, qui est consacrée à la nécessité de la révolution, selon Grave. Alors, nécessité de la révolution, pourquoi ? C'est pas une nécessité au sens moral, au sens où nous devons faire la révolution, du moins ce n'est pas seulement ça, c'est pour Grave une nécessité objective. C'est-à-dire que il est convaincu, à son époque, que la révolution est le résultat, l'aboutissement logique de l'évolution de la société bourgeoise. Elle ne va pas tarder. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que, c'est des choses qu'on a déjà vues, que je résume rapidement, c'est que d'une part pour lui, la société bourgeoise est fondée sur des principes autodestructeurs. Enfin, c'est même pas d'une part, c'est tout à fait ça. Parce que, ayant elle-même détruit l'autorité et la propriété aristocratique, elle a mis à nu, finalement, la réalité de la domination exercée par une classe sur une autre. Voilà, la force est nue. Elle n'a plus de justification. Et que d'autre part, on a vu aussi qu'elle poussait chaque individu à la lutte contre les autres individus. C'est-à-dire que c'est une société qui finalement repose sur quoi ? Sur un état de guerre permanent entre les différentes personnes qui la composent. Et de ce point de vue-là, c'est une société délétère, qui même si elle survit, finalement, n'a pas d'intérêt en soi. Et Grave est convaincu par conséquent que la révolution arrivera avec ou sans le concours des anarchistes. C'est ce qu'il réplique aux réformistes, qui lui disent « Mais pourquoi faire la révolution ? Pourquoi tant de violence ?» Grave leur dit « Mais que voulez-vous ? La révolution arrivera, et quand elle arrivera, il faudra être prêt. » Et même les violences qui pourraient avoir lieu à ce moment-là, ben, en tant qu'anarchiste, on peut difficilement les condamner. Parce que quand on voit, finalement, et là il est assez moderne, parce qu'aujourd'hui il faut bien voir qu'on ne condamne qu'une seule forme de violence, c'est la seule forme de violence qui soit laissée aux pauvres. C'est-à-dire, c'est la violence physique. Mais la violence symbolique, le mépris, la violence économique, toutes ces formes de violence sont rangées sous le chapitre ressources humaines, ou des choses comme ça, et elles sont complètement niées. Et on oublie toutes ces formes de violence, elles existent, elles brisent des gens, et on ne condamne que la violence des jeunes qui ont le malheur de voler une voiture, pendant que les capitalistes brisent des vies à tour de bras. Et Grave, lui, était conscient de ça, et disait, comment ne pas avoir envie de violence quand on voit des gens crever de faim dans la rue, quand on voit des ouvriers travailler et n'avoir pas de quoi nourrir leurs enfants, quand on voit toutes ces injustices produites par la société actuelle, on peut avoir des envies violentes. Et si la révolution arrive et qu'elle est violente, ben, après tout, ils l'auront bien cherché, ceux d'en face. C'est un peu l'idée, je pense, de Grave. Alors, il faut remarquer que de ce point de vue-là, dans cette nécessité de la révolution, il reprend les thèses de Reclus sur l'évolutionnisme révolutionnaire. On retrouve ces mêmes images de phénomènes naturels qui... on voit une accumulation progressive, par exemple, d'eau face à un barrage naturel, et qui amène finalement à la rupture violente de ce barrage naturel, qui surgit brutalement, mais qui est le fruit d'une évolution lente et involontaire. Ça rejoint aussi ce qu'on dit sur la patience des masses, finalement. Oui, complètement. Hein? Oui, Philippe. C'est ça. Il y a bien cette idée que les choses se passent lentement et pacifiquement pendant longtemps. Et puis ça éclate. Et puis, il y a un moment où le verrou saute, et là, c'est un mouvement de violence. À la page 124 et aussi la page 125, il s'explique bien là-dessus. Il dit « Impossible enfin aux anarchistes, quand même ils le voudraient, de renoncer à la violence. De par la force même des choses, ils seront poussés vers l'action. » Et il donne des exemples concrets. « Peut-on supporter les tracasseries d'un policier quand on a compris le rôle ignoble qu'il joue ? Peut-on subir les insolences d'un robin lorsque la réflexion l'a dépouillé de l'auréole sacrée dont il s'entourait ? Peut-on respecter le Richard qui se vautre dans le luxe quand on sait que ce luxe est fait de la misère de centaines de familles, etc. etc. ?» Et comme Grave est quelqu'un qui a une rhétorique assez abondante, il continue ses exemples un peu longuement, et il finit par dire « Il faut que ceux qui voudraient voir la société se transformer sans secousse en fassent leur deuil. » Cela est impossible. Et la raison pour laquelle tout ça est impossible, c'est ce que tu as dit, et c'est aussi parce que la description qu'il fait du système est une description qu'il utilise l'image du Minotaure. Et par exemple, à la page 125, il décrit le capitalisme comme étant un monstre. Il dit c'est un Minotaure social. Donc c'est un monstre qui mange, qui dévore les gens. Tu parlais de violence, en effet. La violence économique, les licenciements, les délocalisations, les gens poussés à la misère, les gens poussés au désespoir, les suicides, toutes les personnes qui souffrent des petits chefs dans les usines ou ailleurs, ou qui subissent le harcèlement de leur patron quelque part, ou la menace du licenciement, sont des gens qui souffrent du fait du Minotaure. Et cette image est quand même assez belle. Il parle dans des victimes innombrables que dévore tous les jours le Minotaure social. Et bien sûr, l'image s'impose, un monstre, on ne peut pas le liquider pacifiquement. L'image du Minotaure, elle va avec l'idée de Thésée. C'est qu'il faudra sortir le glaive et il faudra s'occuper du Minotaure et il faudra régler son compte au Minotaure. Je pense que ça, c'est une bonne analyse dans la mesure où le fait de décrire le capitalisme autrement que sous des atours abstraits, en le présentant de manière monstrueuse, ça fait bien comprendre l'idée que la solution ne pourra pas être, en effet, un petit vote de second tour où on se rabat sur le candidat républicain le mieux placé. De gauche, bien sûr. Comme il se doit. Alors là, c'est dit, en tout cas. Alors là, ce que tu as cité, c'est dans son débat avec les réformistes. Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est aussi qu'il va débattre avec les blanquistes ou ceux qui sont pour la partisan de la surrection. Je vous cite ce qu'il dit, page 133. Il dit pour ceux qui voudraient organiser la révolution, il s'adresse à ceux qui voudraient organiser la révolution et il leur dit par le haut. Nous autres au contraire nous sommes persuadés que la révolution viendra en dehors de nous avant que nous soyons assez nombreux pour la provoquer. Nous pensons que l'organisation vicieuse de la société nous y mène fatalement et que la crise économique se compliquant d'un fait politique quelconque suffira à mettre le feu aux poudres et à faire éclater ce mouvement que nos amis veulent provoquer. Alors, je voulais vous citer ce passage parce que il me semble qu'on pourrait le lire dans un journal un petit peu radical aujourd'hui. Crise économique qui pourrait se doubler d'un scandale politique et puis tout pourrait éclater la figure. Bien sûr, l'actualité de ce qu'il dit est étonnante. Quand on voit sur la même page un peu en bas, il écrit « Loin de s'apaiser, la crise commerciale augmente. L'embauchage des travailleurs devient de plus en plus difficile. Ceux qui chôment voient augmenter la durée de leur repos forcé. L'armée des sans-travail devient de plus en plus nombreuse. » Dites-moi un peu, ça a été écrit quand, ça, au juste ? Il a écrit ça dans Le Monde Libertaire hier. C'est extraordinaire, parce que ça décrit exactement la situation d'aggravation dans laquelle nous nous trouvons, hein, c'est-à-dire, bien sûr, les arrêts forcés, le chômage partiel, les délocalisations, le débauchage, tous ces gens qui s'appellent ressources humaines, évidemment, qui n'ont rien d'humain. Et donc, nous reverrons ces longues théories de chômeurs attendant anxieusement à la porte, etc., etc. Bon, évidemment, il est tout à fait hostile à la solution philanthropique. Mais tu as raison de signaler qu'en effet, il pense que la poussée des masses par elle-même est une poussée extrêmement forte, comme le fameux barrage de Reclus, hein. Et que cette poussée, eh bien, il faudra être prêt pour pouvoir, en effet, proposer des choses à cette poussée, lorsque ça viendra. Parce qu'on ne peut pas éviter la révolution comme le voudraient les réformistes. Mais on ne peut pas non plus l'organiser. On ne peut pas l'organiser comme le voudraient les blanquistes ou comme le voudront les unionistes par la suite. Oui. Ouais. Mais par contre, il faut savoir, quand elle survient, en dehors de nous, par la force, par la spontanéité des masses, il faut savoir comment éviter qu'elle soit confisquée par une nouvelle classe dominante avide de pouvoir. Et là, c'est là qu'on comprend bien l'éducationnisme de Grave, c'est qu'il pense qu'il y a déjà eu des révolutions, mais que systématiquement, par ignorance, le peuple s'est fait voler le résultat de la révolution, qui s'est transformée en révolution de palais. Alors, éducationnisme, il faut expliquer. Alors, c'est pas que. Bah, oui, je pensais que c'est quelqu'un qui pensait justement. Éduquer les masses. Qu'il était nécessaire de faire une propagande d'éducation auprès des masses. Voilà. Et j'ajouterais, je crois que tu voulais dire un mot là-dessus, Michael, que Graf voulait. Disait, assumait le fait que cette propagande devait être peut-être même aride et savante. C'est-à-dire qu'elle devait être. Ça devait pas se limiter à de simples slogans, à de simples mots d'ordre, mais au contraire à des démonstrations. Et pourquoi ? Parce que Graf dit il ne faut pas former de nouveaux croyants, de gens qui n'auront pas réfléchi. Nous, ce que l'on veut, c'est que des individus se développent. Et on ne va pas commencer à les faire s'épanouir, à les faire se développer en leur donnant un catéchisme à avaler. Néanmoins, il ne faut pas que cette éducation apparaisse comme quelque chose de venant de l'extérieur. Mmh. Hein, parce que éduquer les masses, ça pourrait être pris en un sens autoritaire et désagréable. Ce n'est pas du tout l'idée de Graf. Parce que là, on retrouve ce complexe culturel de Graf, l'autodidacte. Mmh. C'est que lui, il a dû faire le chemin tout seul, avec ses petits bouquins là, dans sa cordonnerie. Hein, il n'est pas à l'université, il n'a pas eu des maîtres pour le guider. Mmh. Et donc, il a ressenti cruellement, à titre personnel, l'absence de ses guides pour sa propre éducation. Il y a une phrase très belle là-dessus, où on voit que c'est justement pas quelque chose qui doit venir d'en haut, d'un bourgeois gentil qui déciderait d'aller éduquer les masses pour leur permettre de prendre conscience d'elles-mêmes et de se révolter comme le bourgeois a prévu qu'elles se révolteraient. Elle dit, si les travailleurs veulent s'émanciper, et donc il ne s'agit pas qu'ils soient émancipés par quelqu'un d'autre, ils doivent comprendre que cette émancipation ne viendra pas toute seule, qu'il faut qu'ils l'acquièrent, et que s'instruire est une des formes de la lutte sociale. Oui. Et pour lui, je pense que c'est essentiel, éventuellement cet autodidactisme, le fait de s'instruire, et que justement l'instruction rentre dans les formes de combat contre Minotaure. Oui, Michael ? Oui, c'est ça en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui dit il faut donner envie aux gens d'aller vers nous, et pour cela il faut être capable de diffuser une propagande de qualité. Mm-hmm. Il ne faut pas s'interdire, par exemple, il le dit au début de l'ouvrage, d'aborder des sujets abstraits. Mm-hmm. Ce qui est surprenant dans ce livre, La société mourante et l'anarchie, c'est que à la fois il utilise des connaissances d'ethnologie, de biologie assez pointues à son époque, en même temps il les vulgarise de manière vraiment vraiment intelligente et je trouve assez formidable. Et donc il fait le double mouvement, c'est-à-dire à la fois d'aller chercher des connaissances pointues, parce que le problème de la révolution c'est un problème global qui suppose de se coltiner des questions abstraites difficiles, et en même temps il y a un travail de vulgarisation à faire qu'on ne peut pas ne pas faire. Et si on ne le fait pas, évidemment on n'a aucune chance de voir la révolution libertaire advenir. C'est-à-dire qu'il y a un travail de masse à faire de ce point de vue-là, dont par exemple le travail qu'on fait à Radio Libertaire, il va dans ce sens-là. C'est bien un travail de propagande, et par exemple une radio comme Radio Libertaire doit se comprendre à notre sens comme une radio de propagande au bon sens du terme, pas d'endoctrinement stupide des masses, du savoir qui viendrait d'en haut, mais de diffusion large des idées anarchistes. Et si ce travail n'est plus fait, si le travail théorique n'est plus fait, il y a peu de chances en effet qu'advienne une société vraiment égalitaire et libertaire. C'est même totalement impossible. Ou alors il faudrait supposer que dans un avenir proche, les masses reconstruiraient la totalité de l'analyse libertaire qui a 100 ans ou 150, et que les choses iraient très bien parce que les gens retrouveraient toutes ces idées qui avaient déjà été trouvées, ce qui est un peu dommage quand même. Imaginez un jeune mathématicien qui devrait retrouver toutes les lois des mathématiques tout seul, en recommençant de Thalès et de Pythagore, et pour pouvoir aller jusqu'aux théories de Gauss. Non, franchement. On va pas réinventer la roue tous les jours pour construire des fusées. Hein. Non, essayons de gagner du temps. Je crois que ça, c'est très vrai. Le travail de Radio Libertaire, ça doit être un travail, en effet, de popularisation de l'alternative libertaire sur un plan théorique, afin que des gens se conscientisent tout simplement et ne se contentent pas de passer dans le mouvement libertaire, mais qu'au contraire, ils se conscientisent véritablement dans cette théorie, qu'ils en fassent justement l'article autour d'eux, dans les luttes, dans leur section syndicale, sur leur lieu de travail, partout où ils se trouvent, afin précisément de faire avancer un petit peu les choses. Parce que c'est clair que, oui, c'est vrai, et Reclus a raison, le barrage se remplit, l'eau vient, l'eau pousse, etc. Mais une fois le barrage rompu, il ne faut pas que l'eau aille n'importe où. Hein, si on veut maintenir cette idée, il va falloir faire ce travail afin que, précisément, cette canalisation se dirige vers des vraies et bonnes cibles. Et sinon, ce sont les mouvements autoritaires qui canaliseront, comme absolument, toujours. Absolument. Et donc, on sera passé encore une fois à côté de notre mission historique, j'ai envie de dire. Puis on aura notre secteur. Voilà, on aura notre facteur. On aura un petit facteur avec son petit mouvement. Et puis il y aura un petit plan. Et voilà, puis il faudra se reporter au deuxième tour sur le candidat de la gauche le mieux placé, qui sera peut-être lui d'ailleurs. Exactement. Et il y a une chose aussi qui me semble importante. On avait parlé d'individualisme au début. C'est vrai qu'il faut abandonner l'idée, je pense, rapidement, selon laquelle l'individu serait par lui-même capable de reconstituer ou posséderait en soi, enfin en lui, donc toute la vérité de la théorie anarchiste. Quelle blague. Comme si un individu, sous prétexte qu'il est un individu, pouvait être d'emblée conscient et d'emblée donc capable d'aller dans la bonne direction. C'est évident qu'il y a un travail d'instruction à mener et un travail de diffusion des idées à propager. De ce point de vue d'ailleurs, tu as raison, ce que tu dis est intéressant, et en plus Grave le dit d'une façon aussi frappante. Il dit que la théorie anarchiste répond aux sentiments secrets des gens. C'est-à-dire que l'anarchisme va dans le sens du besoin de satisfaction personnelle. Mais en même temps, il y a une nécessité de faire comprendre qu'on doit passer par un stade de conscience théorique afin précisément de donner à cet ensemble une forme. Mais je crois qu'il faut rester sur l'idée que les anarchistes doivent de nos jours, dans tous les mouvements libertaires où ils se trouvent, qu'ils soient politiques, syndicaux, sociétaux, je ne sais pas lesquels, eh bien ils doivent en effet chercher à faire un travail de popularisation et de capitalisation, n'est-ce pas, des forces. Parce que là, il faut construire les choses, il faut que les gens se réunissent, il faut redonner aux gens l'idée de se réunir dans des cercles locaux, reconstruire des groupes de villes ou des groupes inter-villes quand les gens sont pas assez nombreux qu'ils se réunissent sur plusieurs communes en faisant un groupement commun. Après tout, si les maires se réunissent, pourquoi les anarchistes ne le feraient pas, hein? Donc, je veux dire, il est bien utile qu'on construise tout de suite, immédiatement, les éléments alternatifs d'une société future. Il faut recréer du lien collectif. Surtout si la crise s'aggrave, il y aura de ce côté-là un rôle à jouer important. Il faut pas c'est comme tu le dis, c'est quelque chose de très important dans la pratique et dans la théorie. Il faut mener un travail de propagande, sans quoi on ne sortira pas de la situation d'isolement où se trouve le mouvement. Sans quoi la révolution échouera. Comme le dit Grave, il ne faut pas oublier que la révolution n'est qu'un moyen, pas une fin. Ça. Et ça, bien entendu, l'objectif est extérieur à la révolution. L'objectif est extérieur à la révolution. Il est au-delà d'elle, en effet. L'objectif, c'est une société, en effet, sans classe, une société sans propriété, sans violence sociale et sans autorité. Donc, il est évident qu'il va falloir s'atteler à cette chose. Ça va être un peu compliqué, parce qu'il faut aussi que l'adversaire fasse des erreurs et que nous en fassions moins que lui. Hein, ce qu'on peut se souhaiter, évidemment. Autrement, la révolution va accoucher d'une nouvelle tyrannie, d'une nouvelle dictature. Oui, c'est ça. Les autoritaires, les révolutionnaires autoritaires, parce qu'il y a des révolutionnaires autoritaires, peuvent en effet capitaliser à la place des révolutionnaires libertaires. Dans ce cas, on a une révolution dévoyée qui part dans une mauvaise direction, et on a vu dans quelle direction ça pouvait partir. C'est pourquoi, d'ailleurs, Grave, à la fin de son ouvrage, va essayer de distinguer les différents moyens qui sont propres à une bonne révolution. Et je mentionne rapidement ces moyens, les moyens qu'il réfute. Il dit il faut refuser le jeu parlementaire. On ne peut pas vouloir conquérir l'autorité pour établir la liberté. Ça, je trouve que c'est une belle phrase. Vous ne rendrez pas les gens libres en devenant leur chef. Il faut aussi éviter les batailles d'armée. Ça, je pense qu'il y a... Elle a toute une bonne intuition sur justement le tort que porte à la révolution toutes les guerres. Il dit non, plutôt des batailles d'escarmouches. Presque de guérilla. De guérilla, il dit bataille d'escarmouches, mais c'est guérilla. C'est guérilla aujourd'hui. Et il parle d'appropriation individuelle, d'appropriation collective des biens individuels là où les gens sont. Il va falloir commencer tout de suite, comme le disait Guillaume. Voilà, c'est ça. Il faudra commencer tout de suite, attendez pas les ordres d'en haut. Il faut vous y mettre. Et finalement, il critique la reprise individuelle chère aux anarchistes individualistes en disant que si c'est pour voler dans son coin tout seul, c'est pas comme ça qu'on fera la révolution. Voilà, donc c'est terminé pour Jean Grave aujourd'hui.